passion, une folie, impatiemment. Même si c'est inconscient, quitter ce monde à toi qui tourne autour de toi. Mais pour l'instant, je le sais, je n'ai pas le choix. Et j'attends, j'attends juste le bon moment pour m'en aller et retrouver de la liberté. Et décider de ce que je vis, ce que je fais. Prendre seulement le droit pour moi d'exister. Une volonté de s'enfuir et de désobéir. Et j'attends, j'attends juste le bon moment pour m'en aller et retrouver ma liberté. Et décider de ce que je vis, ce que je fais. Prendre seulement le droit pour moi d'exister.